Jo, il arrive parfois d'être face à une difficulté et de ne pas réussir à nous en dépêtrer. Ou encore, d'avoir un projet, mais de ne pas réussir à mettre en œuvre les moyens de le réaliser. Cette méditation peut alors nous aider à faire le point avec nous-mêmes pour comprendre les mécanismes qui nous empêchent d'avancer. Commencez par vous installer confortablement dans la position qui vous convient le mieux. Veillez à adopter une posture digne qui vous permettra de rester éveillé et attentif tout au long de cette méditation. Fermez doucement les yeux pour retrouver votre espace intérieur et posez votre attention sur les zones de contact de votre corps. Comme si vous le faisiez pour la première fois, notez en conscience toutes les sensations physiques que provoquent ces contacts. Les zones d'appui de vos fesses et de vos jambes sur le support sur lequel vous êtes installé. Celles de vos mains qui reposent sur vos jambes, sur vos genoux ou sur le matelas. Prenez le temps de ressentir et d'être pleinement conscient de ce qui touche physiquement votre corps. Notez également ce que vous percevez du contact de vos vêtements sur votre peau. Nous en sommes tellement coutumiers que nous n'amenons plus à la conscience ces sensations. Sentez l'air qui caresse votre peau. Lentement, ouvrez votre champ de conscience au son qui vous entoure. À la façon dont vous percevez ma voix. Ou encore la musique de fond. Comment cela résonne-t-il à l'intérieur de vous? Rien n'a plus d'importance que ce que vous ressentez maintenant. Les expériences du passé laissent place à l'instant. Les expériences du futur n'existent pas encore. Vous êtes dans la seule réalité qui existe, ici et maintenant. Lorsque vous serez prêt, je vous suggère de vous tourner vers votre objectif, celui qui occupe toute votre énergie actuellement, celui qui vous a poussé à faire cette méditation, celui pour lequel vous éprouvez des difficultés. posez simplement une intention claire sur ce que vous voulez mettre en œuvre et prenez le temps de décrypter ce qui vous freine dans sa réalisation. Le premier frein vient la plupart du temps de nous-mêmes. Nous sommes très souvent dans une mécanique d'auto-sabotage, nous interdisant simplement de réussir. Posez-vous alors les questions suivantes. Avez-vous foi en votre projet ? Que dit la petite voix qui est en vous ? Est-ce la peur qui vous paralyse ? De quelle peur s'agit-il en réalité ? Celle de sortir de votre zone de confort ? Celle de vous exposer. Ou celle de réussir là où d'autres avant vous ont échoué. Comment pourriez-vous rassurer la petite voix qui est en vous ? Que lui diriez-vous s'il s'agissait de votre meilleur ami ? Plutôt que de cacher à vous-même vos craintes et vos doutes, regardez-les en face. Accueillez-les. Rassurez-les. Faites-en des alliés pour avancer sur votre chemin. Lorsque la panique sera passée, ils vous permettront sans doute d'être encore plus fort, vous évitant les erreurs et les mauvais parcours. Identifiez vos doutes. Faites le ménage parmi vos peurs irraisonnées. Vous avez les ressources nécessaires pour entreprendre vos projets. En étant conscient de ce qui vous freine, vous pourrez aller chercher ce dont vous aurez besoin pour vous dépasser. Prenez le temps nécessaire pour écouter votre petite voix et observer ce qui résonne en vous. Lorsque vous serez prêt, connectez-vous à votre respiration. Notez le parcours de l'air qui entre par votre nez. Chatouillez le fond de votre gorge. Pour poursuivre naturellement sa route vers vos poumons en soulevant votre cage thoracique et en gonflant votre ventre. Lorsque la cloche retentira, ouvrez lentement les yeux et prenez tout votre temps pour reprendre vos activités. Je vous conseille de noter sur un petit cahier toutes les informations que vous avez recueillies sur vous-même lors de cette méditation. Et surtout, n'oubliez pas de vous remercier pour ce précieux moment que vous vous êtes accordé. À bientôt.